J'ai accepté tes câlins comme un passé révolu. Que tu crois ton visage, mon obsession. Ou crains ma haine si tu meurs. Ma foi est certes inébranlable comme celle d'un anachorète. Mais ma meule est celle du poète, du conquérant et du prophète. Ressuscité plusieurs fois d'une survie comme toi, ointe de prière et d'excès. Comme seuls les audacieux vivent hier mon amour, aujourd'hui mon ex-amour. Qu'attends-tu que j'écrive? Je ne souffre plus.